Chapitre 5. Il est 3 heures de l'après-midi. Le temps est splendide. L'azur du ciel semble planer sur un paysage italien, avec ses vignes, ses oliviers, et la perspective d'une mer bleu saphir. L'ombre est délicieuse sous les bois qui couvrent la colline de Greenwich. Le vent a replié ses ailes. Les feuilles sont à peine agitées. Le capitaine et les dames Trevenock ont visité l'exposition. Ils sont maintenant dans le parc historique de la reine Élisabeth. Il n'est envahi en ce moment par aucun écolier en liberté. La voix de la nature y fait entendre de toutes parts son chant simple et sublime. Le capitaine et Barbara ont pris les devants. Madame Trevenock et Florence forment l'arrière-garde. La mère se traîne plutôt qu'elle ne marche. « Si nous nous asseyons, maman, je suis sûre que vous vous êtes fatiguée outre mesure avant de sortir. » « Non, ma chérie, j'ai seulement repassé vos deux robes de mousseline. » S'appelait Trevenock et se voit réduite à de si vulgaires occupations. « Quand je vivais dans l'opulence chez mon père, j'étais loin de prévoir ce que le sort me réservait. » « Je ne saurais passer devant la belle maison que vous habitiez jadis sans me dire « C'est là que vivait ma mère. » « C'est sur cet imposant balcon qu'elle s'appuyait. » « C'est par ses larges fenêtres qu'elle regardait lorsqu'elle était jeune et jolie. » « Cela ne veut pas dire, maman, que vous ne la soyez plus, car, suivant moi, vous êtes toujours, au contraire, la plus jolie personne que je connaisse. » « À 41 ans, ma chérie, il faut mettre de côté toute prétention à la beauté. »« Vous êtes d'autant plus jolie, maman, que vous avez moins de prétention. » Madame Trevenock poussa un soupir de regret, en songeant que sa beauté lui avait procuré si peu de joie en ce monde. Elle aperçut en ce moment au loin, dans la perspective d'une longue allée, à travers le feuillage transparent, le capitaine et Barbara. Elle soupira de nouveau en se disant que la beauté de sa fille ne réussirait peut-être pas mieux que la sienne à lui valoir le gros lot à la loterie. « J'ai assez souffert de la pauvreté pour désirer que mes filles soient riches, » dit-elle plutôt elle-même qu'à Florence. Florence, qui avec son esprit pénétrant, devinait tout à demi-mot, répondit « Il est fâcheux que le traitement des officiers de la Compagnie des Indes ne soit pas plus élevé, mais les veuves ont droit, paraît-il, à de fort belles pensions. » « C'est une assurance contre la misère, voilà tout. Ah, si la beauté avait quelque prestige ici-bas, les millionnaires et les ducs devraient se disputer la main de Barbara. »« Les ducs sont rares, ma mère. La plupart de ceux que je connais, » ajoute-t-elle avec un aplomb risible, « sont vieux, cacochimes, ou déjà mariés. »« Le capitaine est l'honneur et la bonté même, mais j'avais fait pour Barbara des rêves plus ambitieux. » »« Comment ces rêves se seraient-ils réalisés ? Qui se doute au monde qu'il existe une belle jeune fille à South Lane? Hélas, le temps des fées est passé à jamais. Si Barbara avait débuté au théâtre comme cantatrice ou comme actrice tragique, ce serait tout différent. La beauté sous le boisseau est un bien perdu, ainsi que la violette sous les feuilles. Elle peut naître, s'épanouir, se faner, mourir, sans que personne ait soupçonné son existence. Songez, ma mère, à toutes les jolies plantes qui vivent et meurent dans les forêts. Primevère, muguet, violette, les papillons aux ailes diaprées, les oiseaux, les biches et les chevreuils. La nature seule leur sourit et les admire silencieusement. Notre situation étant donnée, je trouve que c'est une vraie bonne fortune pour Barbara de devenir la femme d'un beau capitaine comme George Leland. Elle pourrait faire un bien plus brillant mariage. Plus brillant peut-être, mais pas meilleur, certainement. En tout cas, je m'opposerai à la réalisation immédiate de leurs vœux. Je crois que le capitaine fera de nécessité vertu, car je lui ai entendu dire une fois qu'il préférait attendre pour se marier, afin de pouvoir donner à sa femme une existence plus brillante et plus confortable. Je suis sûr que pour rien au monde, il ne voudrait que sa femme repassât ses robes. Sous le climat brûlant des Indes, ce serait du reste un vrai martyr. George Leland a toutes mes sympathies, mais je serais désolé s'il m'enlevait ma chère Barbara. Pendant ce colloque entre Madame Trevenock et Florence, le capitaine et Barbara errent sous les ombrages, aussi heureux du présent que peu soucieux de l'avenir. « Quelle excellente mère vous avez !» dit George à Barbara. « Elle m'inspirait une véritable sympathie et une vénération profonde depuis que vous m'avez confié l'histoire de votre famille. J'admire le courage avec lequel elle a soutenu le long combat de la vie. Je lui sais gré de la douceur et de la tendresse avec lesquelles elle vous a élevé. » Le fait est que jamais enfants n'ont été plus heureuses que nous sous l'aile maternelle. L'argent n'est pas tout dans le monde. Si nous avions été plus riches, nous n'eussions peut-être pas été aussi heureuses, aussi tendrement unies les unes aux autres. » tout en ayant l'expérience de la pauvreté, vous ne croyez pas qu'elle rende le bonheur impossible ? Je ne le crois pas. Alors vous ne seriez pas effrayé d'épouser un homme pauvre si vous l'aimiez ? Dit le capitaine avec un accent passionné. Le sens mystérieux, quoique très clair, de ces paroles fit tressaillir Barbara, qui devint tour à tour blanche comme un lys et rouge comme un coquelicot. Ah ! Vous avez compris depuis longtemps l'amour que vous m'avez inspiré, cet amour qui chaque jour s'impose à moi plus grand et plus fort. Eh bien non, je n'osais m'en flatter et, parfois, si je me laissais aller à ces douces illusions, je me disais ensuite que ce n'était qu'une fantaisie passagère. Non, Barbara, je vous aime parce que vous êtes l'être le plus adorable, le plus doux, le plus modeste, le meilleur de la création. Je vous aime parce que vous êtes digne de l'amour le plus ardent et que la beauté du ciel semble se réfléchir en vous. Barbara, rendez-moi le plus heureux et le plus fier des hommes en me disant que je ne vous suis pas indifférent. Ne serez-vous pas scandalisé quand je vous avouerai que je ne vous connaissais pas depuis plus d'une semaine, que déjà je vous aimais passionnément ? Faut-il ajouter que vous êtes à peu près le premier qu'il m'était donné de connaître, qu'il est tout simple que Florence et moi, nous nous soyons beaucoup occupés de vous ? Vraiment ? S'écria le capitaine d'un ton un peu humilié. Alors ma position rappelait celle d'Adam dans le paradis terrestre. D'après votre dire, je dois croire que si j'étais arrivé en seconde ligne, je n'aurais pas eu autant de chances de réussir. Vous savez bien au contraire que je n'aurais jamais aimé que vous. Oui, dit-il avec ardeur, je veux croire que vous êtes cette autre moitié de moi-même qui s'était égarée depuis le commencement des mondes et que j'ai retrouvée quand je vous ai rencontré. C'était écrit là-haut, de toute éternité, j'en suis sûr. Pourquoi auriez-vous lu, s'il n'en était pas ainsi, l'annonce du Times ? Mes yeux sont tombés dessus et cela m'a suffi. Je me flatte d'avoir été pour quelque chose dans la rédaction de cette pièce importante, dit Barbara avec orgueil. J'ai reconnu votre main. C'est un exemple probant des affinités électives. Ciel ! S'écria Barbara. Nous nous sommes perdus. Non, nous nous sommes seulement égarés un instant dans le pays des rêves. Tenez, voyez-vous là-bas votre mère et Florence ? Ils continuèrent à marcher côte à côte, répétant toujours la même chose, qu'ils s'aiment et combien ils s'aiment. Ils ne font aucun projet d'avenir et planent dans l'éther de l'amour abstrait. Demain, ils redescendront sur la terre et considéreront le côté pratique des choses. Enfin, ils rejoignent Madame Trévenoc et Florence assises sur un banc. La mère était profondément endormie. La fille charmait ses loisirs en perforant avec le bout de son parasol l'écorce d'un chêne. Elle devina instantanément ce qui venait de se passer. N'est-il pas temps d'aller reprendre le chemin de fer ? Demanda Madame Trévenoc en se réveillant. C'est à vous d'ordonner, c'est à moi d'obéir, répond le capitaine. Puis il tire sa montre et ajoute « Il est 4h30, le départ est à 5h30. »« Je voudrais me promener éternellement dans ce parc, » dit Barbara, sur le ton du ravissement. On décide de se rendre à la station. On monte en wagon. Barbara s'assied dans un coin et s'abrite du soleil couchant derrière un store. Elle n'ose lever les yeux, mais elle sait que les regards du capitaine sont fixés sur elle. Florence parle à bâton rompu. Madame Trévenoc achève son somme interrompu. On arrive, on dîne, puis on fait de la musique, on valse. Heureux jour, soirée poétique, jour et soirée d'un bonheur pur et parfait pour Barbara Trévenoc. Le lendemain n'est pas un jour sans nuages. Barbara et le capitaine font solennellement leur communication à Madame Trévenoc. Elle est fière, très fière sans doute, de l'honneur qu'il fait à sa fille. Elle a de la sympathie et beaucoup de considération pour son jeune pensionnaire. Mais elle ne lui cache pas qu'elle avait rêvé pour Barbara autre chose qu'un mariage avec un capitaine de l'armée des Indes. Il emmènera sa fille aux Indes, et c'est à quoi elle ne consentira jamais. Cette jeune fille adorée, qu'il y a 2 ans à peine, obéissait encore à un mot, à un regard de sa mère. Aurait-elle donc la cruauté de briser elle-même le lien qui les a toujours unis ? Barbara pleure en voyant couler les larmes de sa mère. « Non, ma mère, non, je ne vous abandonnerai pas. Ah, comment pourrais-je payer votre dévouement d'un tel chagrin ? Je vous obéirai toujours. » Le capitaine prend alors la parole et avoue que malgré son ardent désir de devenir l'époux de Barbara, il ne saurait songer à l'épouser immédiatement. Il sera certainement appelé à vivre encore de la vie des camps pendant quelques années et il lui semble plus sage de laisser sa chère Barbara à sa mère que de l'abandonner seule, sans parents, dans une ville indienne. Il faut encore 2 ou 3 ans avant que j'obtienne le grand emploi qu'on m'a promis. C'est long, c'est très long, mais j'aurai du moins la consolation de savoir Barbara heureuse. Nous nous écrirons, n'est-ce pas vrai, par chaque courrier ? Cet arrangement agréa à toutes les parties intéressées. Les vœux de la veille sont ratifiés avec le consentement de la mère. On apprend à Florence que le capitaine et sa sœur sont fiancés. Les jours passent comme les roses qui s'effeuillent au souffle d'une brise printanière, et cependant, à travers la douce mélancolie que tout chante autour d'eux et en eux, une note triste, douloureuse, revient toujours. Elle retentit sans cesse au fond du cœur de Barbara, qui s'écrie à la pensée du départ de son fiancé, départ fixé au mois de septembre. « Si tôt, si tôt, si tôt !»